Chapitre 4. Confession générale. Le lendemain matin, maître Maxou se rendit à la prison, impatient de connaître si quelque lumière ne jaillirait pas des confidences de Flavia. Depuis le coup de foudre qu'il avait frappé, elle n'avait vu dans son cachot que des hommes de justice. Le juge Duranger s'était, il est vrai, montré presque paternel à son égard. Mais elle ne pouvait voir, lui, qu'un homme prévenu et dont la mission était de rechercher les preuves du crime qu'on lui imputait. Ses rapports avec son défenseur allaient être tout autres. Elle pourrait lui parler à cœur ouvert, sans craindre qu'une parole irréfléchie ne fût plus tard invoquée contre elle. Et puis cet inconnu, aux façons cordiales, à l'accent légèrement méridional, lui plaisait. La franchise presque brutale avec laquelle il avait expliqué l'intérêt tout égoïste qu'il lui portait, elle la lui pardonnait, car elle voyait en lui un de ces déclassés qui luttent contre les difficultés de la vie et qui finissent, quelquefois, à force de volonté et de persévérance, par se hisser jusqu'au-haut de l'échelle sociale. Et d'ailleurs elle-même, n'était-elle pas une pauvre déclassée après laquelle la destinée s'acharnait? Aussi se fut-il avec un soupir de satisfaction qu'elle entendit s'ouvrir la porte qui lui annonçait la visite attendue. « Parlez, mademoiselle, » lui dit son avocat après s'être assis, « je vous écoute. » « Le récit de ma vie sera fort court, » répondit Flavia. « Je suis la fille d'un officier supérieur qui avait conquis tous ses grades à la pointe de son épée. Parti simple soldat, il était parvenu, en moins de 20 ans, au grade de lieutenant-colonel. Le mariage de mon père fut un mariage d'amour. Il avait rencontré celle qui, plus tard, devait être ma mère, dans une petite ville de province. Tous deux s'aimaient, et leur vie était heureuse. Ils allaient de garnison en garnison, et mon enfant s'écoula en continuel voyage. Un soir, je me rappelle cela comme si c'était hier, j'avais 10 ans environ, mon père rentra plus tard que de coutume. Il paraissait joyeux, mais sa joie avait la turbulence de l'ivresse. « Qu'y a-t-il ? » demanda ma mère, que l'agitation de son mari avait frappée. « Il y a, répondit-il, que je serai peut-être colonel avant 1 mois ou 2. La guerre vient d'être déclarée. La guerre, nous avons la guerre, avec le Mexique. » Et voyant que ma mère était devenue affreusement pâle, « Est-ce la première fois que je me bats ? » poursuivit-il en souriant. « N'ai-je pas 1000 fois affronté les balles des Bédouins ? Si tu allais mourir ? » murmura-t-elle, en le serrant convulsivement contre son sein. « Poltronne, voyons, rassure-toi, avant 3 mois tout sera terminé. Je connais les Mexicains, de braves gens, mais pas le moins du monde soldat. Ils ne tiendront pas devant nous. » Le reste de la soirée fut triste. Mon pauvre père avait sans cesse ses regards fixés sur moi comme s'il voulait graver mon image dans ses yeux. Quant à ma mère, le premier moment passé, elle se montra courageuse et résignée. 3 jours après cet entretien, mon père nous faisait ses adieux. Pendant 4 mois, nous reçûmes exactement toutes les semaines une lettre de lui. Le 4e mois écoulé, nous n'en reçûmes plus, et ma mère fut épouvantée de ce silence. Au commencement du 6e mois, un pli daté de Mexico lui parvint. Il lui annonçait la mort de son mari, tué dans une embuscade tendue par les soldats de Juarez. Dans les premiers jours d'octobre de la même année, j'entrai dans une grande institution des environs de Paris. C'est là que s'écoulèrent les années de ma seconde enfance et de ma jeunesse. Ma mère venait m'y voir tous les jeudis et tous les dimanches. Puis peu à peu, ses visites devinrent moins fréquentes et chaque fois que je la voyais, sa démarche me semblait plus lente et son visage plus pâle. Enfin, elle ne revint plus. Elle était morte. Ici, Flavia suspendit son récit et essuya une larme. Elle reprit bientôt. Je restai en pension jusqu'à 18 ans. Peu de temps après ma sortie, on m'offrit une place d'institutrice chez la duchesse de Valombreuse. J'étais seul au monde et sans fortune, j'acceptai. Que vous dirai-je de plus, monsieur ? Poursuivit l'accusé. J'ai rencontré presque le bonheur pendant 2 années dans ce milieu paisible. Je portais l'affection la plus vive à madame la duchesse et à ses 2 filles. J'étais aimé d'elle, et ce bonheur a été brisé, hélas, par le terrible événement qui m'a conduite ici. « Bien, mademoiselle, » reprit Maxou, « il vous reste à présent à me raconter cet événement jusque dans ses moindres circonstances. » Flavia fit alors le récit de ce qui s'était passé pendant la soirée du 10 juillet. « Tout ceci est incompréhensible, » dit son défenseur, lorsqu'elle eut achevé. Puis, prenant sa tête dans ses mains il tomba dans une méditation profonde. Tout à coup, il se redressa, et plongeant son clair regard dans les yeux de la prévenue, « Mademoiselle, lui dit-il, il doit y avoir autre chose que vous me cachez. Je vous ai dit tout ce que je savais. Voulez-vous me permettre de vous adresser une question, sans doute ?»« C'est assez délicat, » a demandé une jeune fille, poursuivit Maître Maxou. « Dites toujours, monsieur. Voyons, mon enfant. Supposez un instant que vous avez devant vous votre mère et qu'elle vous conjure de lui ouvrir votre cœur. Avez-vous aimé ?»« Jamais, » répondit sans hésitation Flavia en regardant en face son avocat. « Si l'amour n'est pour rien à l'affaire, c'est donc le diable !» s'écria Maxou. « Or, je crois peu au diable. Je ne crois qu'une chose, c'est qu'il n'existe pas d'effet sans cause, et comme la cause du crime dont vous êtes accusé m'échappe, je suis dans la situation de ce brave Duranger, je n'y vois plus goutte. » Un nouveau silence se fit. L'avocat le remplit le premier, et prenant l'une des mains de Flavia, « Mademoiselle, vous n'avez jamais aimé, m'avez-vous affirmé ? Mais peut-être vous a-t-on aimé ? Vous êtes belle, très belle, et ma supposition n'a rien d'invraisemblable, rien d'offensant. » Une vive rougeur envahit le visage de la prévenue, et sa main frissonna dans celle de son défenseur. « Enfin !» murmura le jeune avocat en laissant exhaler un soupir de satisfaction. « J'ai donc touché juste, je suis sur la voie. »« Sur quelle voie, monsieur ?» reprit Flavia Morin. « Oui, vous avez été aimé, » répondit Maxou. « Votre trouble, votre émotion me le prouve. » « Allons, mon enfant, dites-moi la vérité, toute la vérité, votre existence en dépend. »« Mon existence, vaut-elle la peine que je la défende ?» dit la prévenue d'une voix pleine de mélancolie. « Si ce n'est elle, songez du moins à votre honneur, au nom sans tâche que vous alléguez votre père. C'est un héritage auquel vous n'avez pas le droit de laisser porter atteinte. »« Vous avez raison, » repartit la jeune fille en levant la tête avec fierté. « Et si douloureux que soient les souvenirs que vous me commandez d'évoquer, je parlerai. » Le visage de Maxou rayonna. Sans doute il allait saisir un fil qui le guiderait au milieu de ce labyrinthe jusqu'à présent sans issue. Flavia, une fois son parti pris, continua d'une voix ferme. « Vous m'avez demandé tout à l'heure, monsieur, si j'avais été aimé. Oui. J'ai eu cette douleur. J'ai été aimé, follement, aimé par un homme qui, en raison de son âge et de la position que j'occupais auprès de sa femme et de ses enfants, aurait dû ne jamais lever les yeux sur moi. « Le duc de Vallombreuse, » dit l'avocat en faisant un soubresaut. « Oui, le duc, » reprit sourdement la prévenue. « Se trouve-t-il au château de Faubourlois lors de la tentative d'empoisonnement sur la duchesse, mademoiselle ?»« Il était parti depuis 15 jours pour les eaux du Riage. » La duchesse a-t-elle soupçonné la criminelle passion de son mari ?« Tout me porte à croire qu'elle l'ignore, car elle était allée avec ses deux filles en visite à Château Chinon lorsqu'il y eut la scène que je vais vous rapporter. » Maxou se rapprocha de la prévenue, qui poursuivit ainsi. C'était le 20 juin dernier. Il pouvait être 2 heures de l'après-midi. Après avoir accompagné la duchesse de Vallombreuse, Ève et Marcel, jusqu'à la grille du château, j'étais rentré dans ma chambre. Depuis une demi-heure environ, j'étais plongé dans la lecture de la Bible lorsqu'un bruit frappa mon oreille. Il me sembla qu'on entr'ouvrait doucement, bien doucement, ma porte. Je me retournai vivement, et devant moi se dressa le duc. Surprise de sa présence, que rien ne justifiait, je voulus me lever. « Demeurez, demeurez, mademoiselle, » me dit-il en m'arrêtant. Mon étonnement devint alors de l'épouvante. Ce que je lui dis en ce moment, je l'ai oublié. Mais lui, me prenant les mains et les portant à ses lèvres, « Flavia, ce secret qui m'étouffe depuis longtemps, connaissez-le donc enfin. Je vous aime, je vous aime. Un mot, un seul de vous, et le luxe, la richesse. Je me dégageai de ses mains. » Et d'une voix glacée et brève, je lui répondis, « Et votre femme? Et vos enfants, monsieur le duc? Je vous aime, » répéta-t-il avec une expression presque sauvage, « et je briserai tout ce qui vous séparera de moi. » Et pendant qu'il prononçait ces paroles, des flammes semblaient s'échapper de ses yeux. Il s'avança de nouveau vers moi, les bras tendus comme pour me saisir. Un petit couteau de chasse qu'avait laissé Marcel par mégarde le matin se trouvait sur ma table et je m'en emparais. « Monsieur le duc! « Faites un pas de plus et je me tue. » Il lut sans doute dans mes regards que j'étais bien résolu à mettre cette menace à exécution, car aussitôt il s'arrêta, puis sortit de ma chambre. Et comme il sortait, je lui dis, « Vous ne serez pas surpris, monsieur le duc, si demain je quitte le château. »« Cela ne saurait être, cela ne sera point, » répondit-il. « Quelle raison donneriez-vous à la duchesse Peu m'importe, je me dois moi-même de me mettre à l'abri de vos outrages. Demeurez ici, je vous en conjure, répliqua-t-il, c'est moi qui partirai. Le lendemain, en effet, il quittait le château pour se rendre aux eaux du Riage, et moi je restais. La crainte d'éveiller les soupçons de la duchesse par mon brusque départ et de jeter le désespoir dans son cœur, le chagrin de me séparer de Marcel et d'Ève que j'idolâtrais, et, vous l'avouerai-je, la pauvreté qui enchaînait ma liberté, tout cela me rendit lâche et me fit ajourner mes projets de départ. « Le duc ne vous a jamais écrit depuis son brusque éloignement ?» demanda Maître Maxou à l'accusé. « Jamais, monsieur, répondit-elle. Le terrain, cette fois encore, venait de manquer tout à coup sous les pieds de l'avocat. Comment le duc aurait-il pu être l'auteur ou l'instigateur de cette abominable tentative d'empoisonnement, puisqu'il se trouvait alors à plus de 100 lieues ? Un complice, dans sa propre maison. Mais cette hypothèse monstrueuse tombait d'elle-même. En effet, les domestiques du château étaient tous, l'instruction l'avait démontré, de vieux serviteurs que le soupçon ne pouvait effleurer. Maxou, après être demeuré quelque temps absorbé dans ses réflexions, murmura, comme se parlant à lui-même, « C'est cependant de ce côté qu'est la lumière. Que voulez-vous dire ? » lui demanda Flavia. « Le duc vous aimait d'une passion insensée, » répondit le jeune avocat. « Un crime comme celui dont vous êtes accusé ne peut être qu'un acte de démence. Je verrai le juge d'instruction, mademoiselle, car il est de toute nécessité que le duc soit interrogé. Quoi ? Vous voudriez ? Il le faut. Mais la duchesse en mourra de douleur et d'honte. Bon creux que tout cela, mon enfant. Nous sommes accusés. Nous avons devant nous la cour d'assises, peut-être une condamnation. Donc, nous sommes dans notre droit de légitime défense. Si vous êtes innocente, et je le crois fermement, il faut que le coupable soit découvert. Mais je vous répète que le duc était absent au moment. Qu'importe. Il vous aimait. Nous devons l'interroger. Flavia tenta, mais vainement, de faire revenir Maxou sur sa détermination. Il fut inébranlable. « Faites selon votre volonté, monsieur, lui dit-elle enfin. Vous êtes le médecin. Je n'ai pas le droit de vous arracher des mains le fer rouge avec lequel vous voulez combattre le mal. » Le consentement de la prévenue, quoique indispensable, ne suffisait pas pour motiver la comparution du duc de Vallombreuse devant les assises. Il n'importait encore que Maxou fît partager ses soupçons au juge d'instruction. Et puis, ce point capital obtenu, un nouvel obstacle s'adressait. M. Duranger oserait-il appeler en témoignage un homme aussi haut placé que le duc et provoquer un scandale peut-être inutile ? Toutes ces difficultés eussent fait reculer tout autre que Maître Maxou. Lui, il n'hésita pas un seul instant, et après avoir quitté Flavia, il courut immédiatement chez le juge d'instruction.